Chapitre 7. Les Raïs sont laids, stupides et manquent totalement de discipline. Mais ils sont également sauvages, insensibles, avides de sang et nombreux. Un soldat impérial peut tenir tête à 3 Raïs. Mais il y a 10 Raïs pour un soldat impérial. Seigneur Ilmuran, aparté lors d'un conseil de guerre. Tu ne crois pas que t'en as fait un peu trop ? Salim et Camille déambulaient côte à côte, au cœur de la foule qui arpentait les rues d'Aljet. Le pas sur le côté les avait conduits dans la cour intérieure de la bouche de la garde. Les soldats postés à l'entrée n'avaient pas bronché à leur passage et, depuis presque une heure, ils se promenaient en admirant les merveilles de la capitale. « Tu n'es pas d'accord avec ce que j'ai dit ?»« Si, bien sûr, mais quand même. C'est à Edwin que tu parlais. » Camille s'arrêta et regarda son ami dans les yeux. « Salim, si tu n'es bon qu'à te moquer des braves gens comme Bjorn et que tu t'écrases dès que tu es confronté à des Edwin, tu vas dégringoler dans mon estime. » Le garçon bafouilla une réponse inintelligible et Camille lui sourit. Elle avait été trop dure envers lui. Elle savait bien ce qu'il avait voulu dire. « J'ai un peu exagéré, » admit-elle. « Mais ça m'a soulagée. Et ma diatribe va peut-être faire évoluer les choses. » « Tu n'as pas l'intention de renoncer, alors ?»« Bien sûr que non. On va les éveiller, ces figés. Ne serait-ce que parce que j'ai quelques questions à poser à une certaine Eleharin Morienval qui a trahi mes parents. »« Et Edwin ?»« Laissons-le mariner un peu dans son jus, ça ne doit pas lui arriver souvent. » En attendant, nous avons la possibilité de nous retrouver et de découvrir une ville de contes de fées. Ça ne te plaît pas ? Ça me plaît, ma vieille. Ça me plaît vraiment. La nuit était tombée depuis longtemps. La cité continuait toutefois à briller, d'une lumière aussi claire que celle du jour. Chacune de ses façades irradiant une couleur différente. Il y avait toujours autant de monde dans les rues, et à plusieurs reprises, ils croisèrent des Faëls. Finalement, ils se lancèrent à la conquête des hauteurs de la ville. Ils empruntèrent d'abord un escalier vertigineux, s'enroulant autour d'une flèche de jade, puis une série de passerelles cristallines qui semblaient aussi fragiles que de la dentelle, mais étaient en réalité aussi résistantes que l'acier. Un nouvel escalier les propulsa un peu plus vers les sommets. À chaque niveau, ils rencontrèrent des promeneurs, des commerces, des lumières, de l'animation. Salim désigna une tour qui s'élançait plus haut que les autres. « Ça te tente ?» proposa-t-il à Camille. « Du sommet, on doit voir jusqu'au bout de l'univers. Alors n'hésitons pas !» Ils franchirent des ponts arachnéens, si élevés qu'à plusieurs reprises Camille ferma les yeux. Une fois arrivés, ils découvrirent une entrée et s'y engagèrent. L'endroit, à l'écart du tumulte de la ville, était presque désert. Un escalier en colimaçon s'élevait à l'intérieur des murs. Ils gravirent une centaine de degrés avant de déboucher à l'air libre. Ils étaient parvenus au point culminant de la cité. Les lumières qui régnaient plus bas n'arrivaient pas entièrement jusqu'à eux et des myriades d'étoiles se découpaient sur le ciel nocturne. Ils se trouvaient sur une plateforme circulaire de presque 20 mètres de diamètre et pour la première fois depuis des jours, ils étaient complètement seuls. Ils se penchèrent par-dessus le parapet pour admirer Aljet. « Si ma carte dit vrai, » déclara Camille, « nous sommes au sud-est de l'Empire. Alpol est dans cette direction, à presque 1000 kilomètres. »« Est-ce que ta carte explique comment nous allons rejoindre nos lits ?» ironisa Salim. « Je commence à fatiguer et, au risque d'attirer tes moqueries, je dois avouer que j'ai faim. »« J'avais oublié que t'étais un estomac à pâtes, et fainéant en plus. C'est bon, rentrons. » Mais si t'arrives à tenir le coup, j'aimerais qu'on se promène encore un peu. Autant profiter de ce moment de liberté, tu ne crois pas ? Comme tu veux. Ils se préparaient à redescendre lorsque des pas se firent entendre dans la montée d'escalier. Ils n'eurent pas à patienter longtemps. Une haute silhouette émergea sur la plateforme. Camille sentit un frisson lui parcourir le dos. Elle recula brusquement, entraînant Salim avec elle. Mais ! Commença ce dernier. Il y eut un chointement. Une lame d'acier brilla à la clarté des étoiles. « Merde !» jura Salim. « Un mercenaire du chaos !» Camille raffermit sa prise sur le bras de Salim et dessina son pas sur le côté. Il ne se passa rien. Le mercenaire avançait vers eux. Il était vêtu d'une armure de cuir noir et portait sur l'épaule une répugnante masse gélatineuse qui ressemblait au croisement d'un crapaud et d'une limace. « Un gommeur !» expliqua-t-il d'une voix où l'ironie le disputait à la haine. « Cet affectueux compagnon a la curieuse faculté de rendre impossible l'utilisation des spires. Intéressant, non ?» Camille et Salim avaient reculé jusqu'à sentir le parapet dans leur dos. Ensemble, ils jetèrent un bref coup d'œil en bas. Le mercenaire eut un vilain rire. « C'est une possibilité, » persifla-t-il. « La chute sera longue, mais la fin rapide. Je ne vous promets pas de faire aussi vite avec ceci. » Il fouetta l'air de son épée, et les deux amis sursautèrent. « Allons !» cracha le mercenaire. « Au travail !»